une seule petite et fidèle. droite, Nacho, Titi, DMG, Benji 63, même David Brown. Aznavour, Winston, mais du monde, et tu es bien en guest. Trop faible. Yeah, yeah, yeah. Oh. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Monsieur Nacho. Mr. Nacho, please. Could you... Yes, thank you. Bon, elle est où, Ariel? Bon. J'essaye de parler sur Facebook, mais elle est là? Tu m'entends, Ariel? Je lui ai conseillé... conseille d'aller sur nimbot.com, c'est bien ça? Pour écouter... C'est une amie, Ariel. C'est une amie qui fait des paroles, des poèmes, et plein de belles choses. T'es con, toi. On a dû lui faire la blague, je pense. D'ailleurs, elle doit t'écouter, hein. J'espère qu'elle t'écoute, parce que sinon, c'est qu'elle n'a pas compris comment ça marche. Le lien, c'est... Attends, voyons. Apparemment, je sais pas si elle a capté. Bon, on s'en fait une. Et qu'un met de la batterie. J'essaye de mettre de la batterie. Si personne ne veut en mettre. Ah bah, il est là le batteur. Il est revenu. You play drum, DMJK. Je me dérange pas. DMJK, DMJK. Yes? Ok. No drum for me. We play bass. J'ai un texte de Mademoiselle Ariel. Un autre. Bon les gars, on va passer pour des cons. J'improvise, hein. C'est dur d'improviser des fois. 112. Et voilà, Joe est parti. 112. Bah, changez si vous voulez. Je sais pas, n'importe quoi. Moi, il me faut quand même 2-3 accords pour pouvoir improviser. Pas si bête la lettre. Un petit B chez soi. Un joli bébé qui t'aide. Si bête la lettre, un petit bénéficien, je l'ai bien quitté. Bienvenue dans l'alphabet, fidèle au second rang. Je pars. Attends, d'accord, je cherche, hein. Un peu de batterie, là. joli bébé qui tête. Bienvenue dans l'alphabet, dès le second rond. Fait la même. Celle-là, Ariel, le B à bas de la lettre B. Allez, come on. Bon, je vais mettre la batterie. Hein. Ça synchronise plus cette merde. Bon, j'essaye une batterie. Hein. Ça fait télé, mais bon. On va partir un alors, d'accord. Je remets le texte. Putain, faut que j'arrive à bouger le texte. Voilà, c'est bon. On part à un. Ariel. Excuse-moi, hein, c'est long. Hein. Je suis pas gay. C'est ma machine qui décolle. J'ai fait ce qu'on m'avait dit, les gars. Oh merde. Il y a des jours, hein. Qui veut mettre de la batterie, moi ça veut pas marcher aujourd'hui. J'ai fait juste 1 et 2. Chez moi, c'est des carrés, non ? pas bon là. C'est qui la basse? Bon allez, hein. Parce qu'après je m'en vais alors. Bon, j'essaye de faire ce truc, d'accord? Mister Bass, c'est bon ça. C'est bon la basse. Cool. Mais jouer les mêmes choses. Adoucissant les notes folles, bien-être en toute nation. De l'univers après à mais jamais devancer. B comme grand bêta, pas si bête la lettre. Un petit B chez soi, un joli bébé qui tête. Bienvenue dans l'alphabet, fidèle au second rond. Bien sage, parfois muet, le B final est épatant. Allez les gars. Come on, come on. Do